promenant sur les bords du canal Saint-Martin, plié en rond le journal, bien dans le creux de ma main. J'avais envie d'y voir le monde en plus joli, en plus sans fin. Le sud au cul et l'horoscope, le nord au fait cinémascope, ont pris la place et dégueulasse de ce qu'on nous cache d'intéressant. La vie pratique, son outillage et tous ces trucs à la Texan n'avaient valeur à une époque que d'accessoires dont on se moque. Et là on tue pourri des vies pour un sagem ou un sony. Ça on est sûr comme qui dirait, c'est pas la gloire en vérité. Taper les poubelles, les bagnoles, les effets de serre et continuer, même après s'être rendu compte qu'il fallait peut-être arrêter. De toute façon, sous la honte, y'a rien au-dessus de l'humanité. Notre contribution sera-t-elle un truc pas mal du genre pratique, c'est de garder dans nos congèles un peu de la glace de l'Antarctique, pulvériser un peu de mazout, sans bien eu le temps de s'y habituer. Toutes nos semences, nos OGM, encore une fois de plus modifiés, et nos pantins de politique dirigés par l'économie sont là pour se foutre le fric et pas pour gouverner le pays. Si l'armement faisait du social, on pourrait charger de charger avec des cartouches de salade tirées sur les restes du cœur. Combien de savants, combien de chercheurs posent leur savoir sur ce qui m'écoeure, à croire que c'est l'intelligence qui vient entraver notre bonheur. Si l'intelligence c'est une arme, quand elle est posée dans des têtes, tirer les ficelles et les larmes d'un monde de plus que pris pour bête. Elle est facile, ma petite complainte, à mon niveau je trouverai rien de mieux. À mon avis, c'est ça la crainte, tirer son épingle du feu. L'individu individuel n'a qu'à s'ouvrir ne serait-ce qu'un peu, et venir foutre le bordel dans cet intolérable jeu.